بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة. On commence aujourd'hui le cours numéro 25 dans l'explication de Umdat al-Ahkam. فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. On est parvenu au hadith durant lequel Abu Huraira رضي الله عنه il dit qu'il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire الفطرة خمس. Donc la فطرة est de 5. On a cité l'explication de الفطرة, que parfois le mot الفطرة vient avec le sens l'islam, parfois le sens la sunna, parfois le sens la raison saine de l'individu, comme on a dit, la raison saine de l'individu qui pousse à aimer certaines choses et à détester d'autres choses. Et donc, al-fitratu khams, on a commencé par al-khitan. On a abordé hier, sans détailler, al-khitan, la circoncision. Femer hukmu al-khitan, quel est le jugement de la circoncision? Ici, on va parler de la circoncision pour les hommes. On va parler ici de la circoncision pour les hommes. Fait Zahab Malik wa Abu Hanifa ila adam al-wujub. Imam Malik ainsi que Abu Hanifa, ils voient que il n'est pas obligatoire de pratiquer la circoncision pour les hommes. Ils voient que cela n'est pas obligatoire. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى الوجوب. الإمام أحمد الشافعي il voit que cela est obligatoire. أدلتهم أولا أن إبراهيم قد اختتن. La première preuve c'est que Ibrahim عليه السلام il a fait la circoncision comme on l'a vu donc la semaine dernière. Ibrahim il s'est circoncis. ونحن مأمورون بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيم. Et certes, il nous est ordonné de suivre la religion d'Ibrahim. Il nous est ordonné de suivre sa religion, et donc nous devons aussi pratiquer la circoncision. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِحَدِيثٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدٍ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمْ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ. Ils se sont appuyés aussi pour cet avis sur un hadith qui est dans le recueil de Sunan Abu Daoud, Al-Bayhaqi et d'autres, dans lequel un homme s'est converti. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti et il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci lui a dit « Al-qi anka sha'r al-kufr » donc « Débarrasse-toi des cheveux ou des poils de la mécréance ». Et donc, rase-toi de cette période donc, que tu avais avant. Il lui a dit, fais cela, wahtatin, et circoncis-toi. Wahtatin, hada amr. Circoncis-toi, cela c'est un ordre. Ils se sont appuyés sur cela. Le sheikh Arafat, huwa zakara anna al-hadith hada hasan. Le sheikh, il a cité que ce hadith, il est hasan. Correct. Cependant, après avoir regardé la chaîne de transmission, il y a dans la chaîne de transmission Ibn Jurayj. Toutes les chaînes de transmission que j'ai pu trouver, elles passaient par Ibn Jurayj. Et à chaque fois, il disait « Ukhbirtu an ». Il m'a été informé selon. Et ensuite, il cite une personne. Le fait qu'il dit « Il m'a été informé », on accepte ou pas? On n'accepte pas. On n'accepte pas. Et donc ça, c'est un problème. Du coup, donc par rapport au fait de s'appuyer sur ce hadith-là pour dire que la circoncision est obligatoire, il y a donc ce petit souci donc, que je viens de vous citer dans la chaîne de transmission qui fait que ceci est un problème et à voir. Plus, Inch'Allah, ça demande peut-être un peu plus de recherche. bi'idhnillahi ta'ala, pour voir donc les paroles des ulama par rapport à ça. Ensuite, wa kadhalika min adillatihim anna al-khitan min shi'ar al-muslimin, que cela fait partie des rites connus des musulmans, que ça c'est connu, c'est que ce sont les musulmans qui le font. Et donc ils disent, on s'appuie sur cela pour dire que c'est une obligation. Ils disent aussi al-jilda hadhihi allati la tuqta in kana al-insan la yahtatin fa hadhihi al-jilda tahbis al-bawl. Ils disent cette peau que la personne ne va pas couper si elle ne fait pas la circoncision, cette peau elle va retenir l'urine. Fa la yakunu al-insan mutatahhiran taharatan kamilatan. Et donc la personne, il ne se sera pas purifié de façon complète. Parce qu'ils disent que les savants ont dit que cette peau-là, elle retient une partie de l'urine. Lorsque la personne va uriner, la peau va retenir une partie de l'urine, et donc la personne ne se sera pas purifiée correctement. Et donc aussi, cette peau va retenir les autres impuretés, autres que l'urine. Et donc, à ce moment-là, ils disent, il est donc impératif que cette peau soit coupée pour que la personne ait une purification complète et correcte. Et donc, tout ça pour montrer donc que ces savants, ils voient l'obligation de el-khitan, l'obligation de la circoncision. Quelles sont les preuves de l'imam Malik et de Abu Hanifa? Daliluhum hadithul bab. Leur preuve est le hadith que nous avons lu. Le hadith que nous avons vu aujourd'hui, la fitra est de 5. La fitra est de 5, donc la circoncision, le fait de se raser les poils pubiens, le fait de se tailler la moustache, le fait de se tailler les ongles et l'épilation des poils, donc des aisselles. L'épilation des aisselles. Il s'appuie sur ce hadith, mais aussi le hadith rapporté par Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim, par Aïcha radhiyallahu anha, Aïcha qui dit « Ashrun min al-fitra ». 10 éléments font partie de la fitra. 10 éléments. Elle cite « Qassu sharib », le fait de se tailler la moustache. « Yafa'u l-lihya », le fait de laisser pousser la barbe. « As-siwak », le siwak. « Istinshak ul-ma », le fait de faire l'istinshak avec l'eau. On a vu « al-mandmandan » et « al-istinshak », l'eau dans le nez. Waqassul azfar, le fait de tailler les ongles, le fait de raslul baramij, laver donc entre les doigts, ici, comme ceci. Aussi netful ibt, l'épilation des aisselles, halkul ana, le fait de raser les poils pubiens, wantiqasul ma, le fait de se nettoyer les parties après avoir fait ses besoins avec de l'eau. Ils disent, dans tous ces éléments qui ont été cités, il y a des éléments qui sont recommandés. Comme Siwak, par exemple. Siwak, ce n'est pas obligatoire. C'est Sunnah. Ils disent, ceci est une preuve, donc, qui montre que cet élément-là aussi, il est, donc, c'est une Sunnah. Et c'est cela montre que ce qui est voulu dans ce hadith, c'est que la circoncision est recommandée et que ce n'est pas obligatoire. وَجَاءَ فِي الْمُسْنَدِ, il a été cité dans le musnad de l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أَلْخِتَانُ لِلْرِجَلِ سُنَّةِ أَلْخِتَانُ لِلْرِجَلِ سُنَّةِ, donc la circoncision pour les hommes est une sunnah. وَهُوَ حَدِثٌ ضَعِيفٌ فِي إِسْنَدِهِ الْحَجَّاجِ إِنِ أَرْطَحٌ, c'est un hadith qui est faible, il y a dans la chaîne de transmission الْحَجَّاجِ إِنِ أَرْطَحٌ. وَقَالُوا, et concrètement, leur plus grosse preuve est ce qu'on va citer maintenant. قَالُوا إِنَّهُ أَسْلَمَ كَثِيرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسِ بِالْخِتَانِ. Ils ont dit, beaucoup de personnes se sont converties à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, et il n'a pas été rapporté que quelqu'un ordonnait aux autres de faire la circoncision. Il n'a pas été rapporté des compagnons qu'il leur était ordonné à leur conversion de pratiquer la circoncision. Et d'ailleurs, donc, ceux qui vont dire que le hadith qu'on a cité précédemment, où le prophète il ordonnait de faire la circoncision, ils disent cela n'a été rapporté que d'une seule personne. Sur tous les compagnons, il n'y en a qu'un seul à qui il a été ordonné de faire la circoncision. Même dans une version du hadith. Dans une version du hadith, il a été dit, donc, je me suis converti, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit de raser mes cheveux. Et j'ai rencontré un autre qui m'a dit que le prophète lui a dit de raser ses cheveux et de se faire circoncire. Et donc même un autre qui est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que le prophète ne lui aurait pas ordonné de faire la circoncision. Si on dit que ce hadith il est authentique. Et donc ça c'est leur plus grosse preuve concernant donc ceux qui voient que la circoncision n'est pas obligatoire pour les hommes. Et à la coule ligne, moi je recommande à mes frères de ne pas délaisser la circoncision. Car comme on a pu l'entendre, ceci fait partie des causes de propreté et de purification. Cette religion nous appelle à la propreté et nous savons donc que l'urine, ou du moins certaines parties de l'urine sont retenues donc par cette peau, et qu'il est important donc de que la personne se fasse, donc que la personne se purifie correctement pour la prière et autres. Et donc voilà pourquoi on va donc recommander à nos frères de ne pas délaisser cela et de ne pas délaisser cette sunna des messagers qui, donc comme on le dit, c'est la hadith min sunnah al-anbiya, elle fait partie des sunnah des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc à ne pas délaisser, barakallahu fikum. Ensuite, il cite al-istihdad. Al-istihdad, donc le fait de raser les poils pubiens. Bil Moussa, de raser donc avec la lame. Avec la lame, les poils pubiens. Li halqi ash-sha'r fi makanin makhsous min al-jasad. Et tout cela pour, donc comme on a cité donc les poils pubiens, donc c'est un endroit donc spécifique dans le corps. Fa qala ta'ifatun min al-ulama al-matlub huwa shar huwa halq sha'r al-qubul. Certains savants ont dit que ce qui est voulu ici, c'est le fait de raser les poils pubiens, c'est-à-dire les poils des parties avant de la personne. Les poils des parties avant de la personne. Donc que ce soit le pénis pour l'homme et le vagin pour la femme. Wa qalat ta'ifatun yuzadu 'ala dhalika halqu ad-dubur. Certains savants ont dit qu'on rajoute à cela le fait de raser les poils du postérieur. Le fait de raser les poils du postérieur. Quelle est la preuve ? Al-qiyas. L'analogie. Le fait qu'on doit raser les poils de devant par propreté, on va aussi raser les poils de derrière par propreté. Parce qu'il se peut que ces poils gardent certaines, retiennent certaines impuretés. Et donc il est important de les raser. Walakin an-nusus lam tadhkur illa halq al-qubul. Idhan natawaqqafu 'ala an-nass. Cependant, les textes n'ont cité que le fait de raser les poils pubiens et non les poils du postérieur. Et donc on se suffit des textes. Les textes ont cité les poils pubiens, on se suffit des poils pubiens. Wa kadhalika lam yu'raf ani sahaba annahum kanu yahliqun sha'r ad-dubur. Et aussi il n'est pas connu que les compagnons ils rasaient les poils du postérieur. Wa kadhalika dhakara aktharu al-ulama anna halq al-ana min as-sunan wa laysa min al-wajibat. Aussi la majorité des savants elle cite que le fait de raser donc les poils pubiens, ceci est une sunna et qu'elle ne fait pas partie, cela ne fait pas partie des obligations. Ensuite, qassu sharib, le fait de se tailler la moustache. Qala kathirun min al-ulama inna qassu sharib mustahab. Beaucoup de savants ont cité que le fait de se tailler la moustache est recommandé, que ce n'est pas une obligation. C'est l'avis des imams des quatre écoles. Certains savants ont même noté, ont même cité l'unanimité par rapport à cela. Par contre, ce qui est connu de Ibn Hazm, c'est qu'il est obligatoire de se tailler la moustache. Et il se base donc sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Qussu sharib, taillez-vous la moustache. » Qussu sharib, taillez-vous la moustache. « Walakin la yu'arafu el qawlu bil wujubi qabl Ibn Hazm. » Cependant, l'avis citant l'obligation n'est pas connu avant Ibn Hazm. L'avis citant l'obligation n'est pas connu avant Ibn Hazm. Ibn Hazm lui-même, il cite lui-même l'unanimité des savants sur le fait que c'est recommandé. Mais lui, il dit que c'est obligatoire. Et donc, il dit que c'est obligatoire, mais il cite l'unanimité dans Maratib al-Ijma. Il cite le fait que les savants sont unanimes sur le fait que c'est recommandé et pas obligatoire. Et donc, pourquoi est-ce que les savants disent que c'est recommandé? Ils disent donc que ce qui est voulu par là, c'est que la personne s'embellisse. Hada minazina. Cela fait partie du fait que l'individu doit s'embellir. Aussi, le fait que l'individu se fasse propre aussi. Cela est beaucoup plus propre que l'individu, donc, se taille la moustache. Et attention, j'ai dit tailler, je n'ai pas dit rasé. Il se peut que j'ai dit rasé, mais il paraît voir. Donc, c'est taillé. Les savants ont divergé. Est-ce que tu dois tailler ou est-ce que tu peux la raser totalement? Certains ont dit donc qu'il est détestable de la raser. Certains ont dit qu'il est interdit de la raser. Et certains, donc, voient que cela est permis. Et l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que la personne, il est détestable de raser totalement la moustache. Et qu'on respecte le texte, le fait de tailler et pas raser. Ensuite, il nous reste encore 3 points à voir. Qassul adfar, le fait de tailler les ongles. Ajma al ulama ala sunniyati qassul adfar. Les savants sont unanimes sur le fait que se tailler les ongles c'est une sunna. Ils sont unanimes sur le fait que se tailler les ongles est une sunna. Naqalahu an-Nawawi wa Ibn Hazm. An-Nawawi ainsi que Ibn Hazm, ils ont donc cité l'unanimité. Et aussi Nadful Ibd, l'épilation des aisselles. Sunna aussi, l'épilation des aisselles. Donc, beaucoup de savants ont cité que ceci est une sunna. Taïb, qu'est-ce qui est mieux? Mais où est l'afdol? Un nadf ou un halq? Qu'est-ce qui est mieux? C'est de raser ou d'épiler? Quand est-il ulama, l'afdol, un nadf? Les savants, ils ont dit ce qui est mieux, bien entendu, c'est d'épiler, parce que c'est ce qui est cité dans les textes. Mais si l'individu ne peut pas, c'est difficile. Car bien entendu, l'épilation, au début, la première fois, ça fait mal. La deuxième fois, ça fait mal aussi. Ainsi de suite. Les savants disent, mais après, avec le temps, ça devient beaucoup plus facile et plus acceptable. Et donc, ils disent le mieux c'est l'épilation. Mais si la personne n'arrive pas à le faire, alors il n'y a pas de mal à raser. Il n'y a pas du tout de mal à raser les aisselles. Taïb, au niveau du temps, quand est-ce qu'on doit faire tous ces actes-là qu'on a vus dans ce hadith? Les savants ont aussi divergé concernant cela, mais il a été rapporté dans le recueil de Muslim, selon Anas ibn Malikin, qui dit وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 يوما. Il dit donc Anas qu'il nous a été délimité au niveau du temps concernant le fait de tailler la moustache et les ongles, l'épilation des aisselles et raser les poils pubiens, de ne pas dépasser 40 jours. De ne pas dépasser 40 jours. Et voilà pourquoi, et wali hadha, ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى كراهة ترك هذه الأعمال أكثر من 40 يوما. Et c'est pour cela que l'imam Shafi et l'imam Ahmed, ils voient qu'il est détestable de délaisser tous ces actes-là, il est détestable de les délaisser plus de 40 jours. Ils n'ont pas dit interdit. Il est détestable de le laisser plus de 40 jours. Et voilà, donc on a fini avec le dernier hadith de ce chapitre. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيراً